d'oppression, de mille ans de soumission. Tu représentes l'âme des moutons, de peuple en pleine perdition. Tu es le dieu du pognon et de la corruption. De mille ans d'esclavage, de mille ans de mensonge, de mille ans d'oppression, de mille ans de soumission. Jésus-Christ, Jésus-Christ, seul juif.